jouer du tambour. Mon cylindre ne tourne plus très rond. Je grince au moins une fois par tour. Je n'y sors plus vraiment à fond. Je m'y perds un peu dans mes cycles. Mes os usés bouchent mes tuyaux. Je ne roule plus des mécaniques. Des larmes coulent sur mon hublot. Pré-lavage après pré-lavage, j'ai le teint javel, je me délave. J'ai beau me secouer, je me froisse. Je suis lessive et je m'encrasse. J'ai bien tiré sur la machine, je suis vidé, j'ai 40 ans. J'ai compris, c'est bon, je m'incline, je ne tournerai plus comme avant. J'ai bien tiré sur la machine, je suis vidé, j'ai 40 ans. J'ai compris, c'est bon, je m'incline, je ne tournerai plus comme avant. Je 40 ans à jouer de la batterie, à faire du bruit dans mon garage, à prendre soin de ma carrosserie, à m'épancher dans les virages. Je ne force plus sur la pédale, je bats de l'aile à vive allure. Ma cote à l'Argus vaut que dalle. En zone 30, je fais bonne figure. Kilomètre après kilomètre, mon turbo n'a plus raison d'être. À bout de souffle, mes bougies souffrent. Je me tasse et mon moteur tousse. J'ai bien tiré sur la machine, j'ai 40 ans, je suis cassé. J'ai compris, c'est bon, je m'incline, vendez-moi en pièces détachées. J'ai trop tiré sur la machine, j'ai 40 ans, je suis cassé. J'ai compris, c'est bon, je m'incline, vendez-moi en pièces détachées. Je 40 ans à jouer du clavier, à espérer que mon disque dure, à vouloir tout enregistrer. Ma mémoire quelquefois sature. Quand je veille, je suis fatigué. Je ferme toutes les fenêtres. Je ne suis plus aussi branché. Je ne vois plus toujours très net. Connexion après connexion. Fini le surf, maintenant je rame. En fond d'écran, j'ai des poissons. Et je souris à la webcam. J'ai trop tiré sur la machine, j'ai 40 ans, je suis vérolé. J'ai compris, c'est bon, je m'incline, 40 ans, je suis dépassé. J'ai trop tiré sur la machine, j'ai 40 ans, je suis vérolé. J'ai compris, c'est bon, je m'incline, 40 ans, je suis dépassé. Vous voulez qu'on boive un café quand même, quelque chose? Non, ça va. Moi, je dors, non, je veux autre chose.